Allez, go, c'est parti. Une rencontre ici, ça s'appelle comme ça, Fire Au Gym. Fire Gym, oui, c'était évidemment une idée d'enfant, de jeune. Voilà. Une idée de jeune, De de... jeune gamin qui avait des idées de faire du sport, d'avoir une activité sportive et une salle sportive. Donc c'est vraiment une idée qui date d'il y a 35 ans, puisque le centre existe depuis 35 ans. Micro ouvert. D'accord. Et on est ici du côté de Belgica, du côté de Simonis, Molenbeek, Jette. Jette, Vraiment, limite entre les deux, c'est une zone zip, ouais, c'est une zone dortoir comme ça entre Jette, Gansor, Molenbeek. Et là, on a les enfants qui viennent de Jette, de Gansor, de Molenbeek. Donc, voilà. à Bruxelles, Ouais, ça. c'est à cheval sur trois communes en fait, à Bruxelles, ouais. Fire Gym avec monsieur ici. En fait, il y a trois personnes. C'est ça qui est bien en radio. On ne voit pas. Et j'adore ça. On ne voit pas. Il n'y a pas d'image hein, dans notre monde où on est, comment on dit, canardé d'images. Il y a trois personnes, trois monsieur, dont Carlos. Moi, je vais rencontrer Carlos à la base. Carlos, que j'ai rencontré au théâtre Le Public, qui présentait. Une pièce de théâtre. Alors la pièce de théâtre, elle a été créée par, comment il s'appelle David Daubresse, le metteur en scène. Voilà. Et donc on pouvait voir une pièce de théâtre qui s'appelait Entre rêve et poussière. Entre rêve et poussière. Et puis après la pièce de théâtre, eh bien il y avait Carlos, il y avait débat, hein, et Carlos qui venait un peu expliquer que cette pièce de théâtre qu'on venait tous de voir, eh bien ça venait d'un bouquin. Et ce bouquin, eh bien c'était Carlos. C'est ça, hein, c'est Carlos qui l'a écrit. Et je l'ai en face de moi, le Carlos. Et donc, on va un peu démarrer là-dessus, sur cette pièce de théâtre et ce bouquin, tiré de ce bouquin. Donc, voilà, ça parle de jeunesse, ça parle d'éducation, ça parle du monde dans lequel on est. Ben, je te laisse démarrer le propos, Carlos. Ça part d'un livre bon, ça part d'abord d'un travail de 33 ans, hein, donc, puisque je suis dans un secteur qui s'occupe de la motricité des enfants, des jeunes, du sport en règle générale. Donc, je travaille avec énormément d'enfants, de familles, et donc à partir de là, donc, il y a une réflexion évidemment sur la question de la motricité, sur les jeunes, sur l'éducation, sur la société, sur les villes. Mais sur combien d'années en fait? Parce que présente-toi un petit peu, Carlos. Enfin, sauf si tu veux pas, hein, si tu Oui, veux non, rester aucun anonyme, problème. tu Non, peux, pas de hein, problème. qu'on comprenne un peu qui tu es, toi. J'ai le centre depuis 35 ans maintenant. Donc, le Fire Gym existe depuis 35 ans, donc 3 décennies. Donc, on a vu des jeunes grandir, devenir parents et puis nous apporter leurs enfants. Donc, ça fait quand même beaucoup de générations. On est enraciné dans la vie de quartier. Et bon, il faut savoir qu'à Molenbeek, c'est une ville qui est quand même déchirée, où il y a beaucoup de paupérisation. Donc, il y a une jeunesse qui veut se développer, qui veut s'émanciper, mais avec laquelle il faut travailler. Il y a beaucoup de freins au niveau des structures scolaires, au niveau de la ville, d'encadrement. Donc, évidemment, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes avec les jeunes. Bon, ce n'est pas les jeunes qui cherchent les problèmes, c'est quelque part qui rencontrent. C'est des jeunes qui rencontrent beaucoup de problèmes à leur émancipation. Il y a beaucoup de freins et beaucoup de filtres sociaux. Et donc. Mais développe peut-être un peu pourquoi il y a beaucoup de freins, pourquoi il y a beaucoup de filtres sociaux, c'est quoi ces filtres? Ben, les freins, évidemment, dans une société, une grande partie des choses sont économiques. Donc il y a une paupérisation. Il y a plus de. Je pense plus de 60% de nos jeunes qui sont. Non plus, c'était 80% de nos jeunes qui étaient sous-qualifiés et qui n'arrivaient pas à trouver, qui n'arrivaient pas à accéder à l'emploi, par exemple. Et c'est aussi la commune où il y a le plus de chômage. Donc Ah oui, voilà, il y a une oui. grosse. Oui, à Molenbeek, c'est vraiment il y a une dualité, il y a de la promiscuité, manque d'espace vert, beaucoup d'insalubrité. Enfin, il y a beaucoup de problèmes qui se conjuguent. Et qui, quelque part, que les jeunes rencontrent, évidemment. Et donc, ça crée évidemment beaucoup de freins. Aussi, il y a beaucoup de primo-arrivants. Et donc, il faut les insérer, il faut une forme d'intégration. Enfin, il y a tous ces problèmes qui se conjuguent dans une ville. Donc, ça fait une petite bombe à un moment donné. Et donc, nous, on est là. Et on est là réellement. Quand tu dis nous, c'est qui? De qui tu parles? Il y a un secteur qui est là, qui s'appelle le socio-sportif, le socio-culturel. On est là en amont pour, quelque part, encadrer ces jeunes. Donc, notre mission, c'est de trouver des solutions et d'encadrer ces jeunes. Et donc, voilà, ça, c'est notre travail. Ok, donc toi, tu as une expérience comme ça d'être avec des jeunes de cette manière-là dont tu racontes. Et puis, tu as envie d'écrire. Un jour, tu as envie de te mettre à la table et d'écrire. C'est comme ça que ça se passe ? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu as envie d'écrire ? Ben, c'est, si on va résumer ça, c'est l'exclusion. L'exclusion en règle générale. Donc l'exclusion de mes parents, mon exclusion personnelle, l'exclusion de mes frères, l'exclusion de mon fils. Mais l'exclusion de quoi ? D'un système ? L'exclusion de quoi, en fait ? L'exclusion d'un système. C'est-à-dire que mes parents n'ont pas fait d'études. Je n'ai pas fait d'études. Mon fils a été éjecté très rapidement de l'école. Donc c'est vraiment tout un système. Donc on sent que c'est de génération en génération. Soit c'est déterminé, c'est dans notre sang. Donc ça veut dire que nous sommes déterminés biologiquement pour être exclus. Ou soit il y a autre chose. Et donc la réflexion, c'était, est-ce qu'il y a autre chose ? Qu'est-ce qui se passe dans la société ? Pourquoi autant d'enfants, de génération en génération, n'arrivent pas, n'accèdent pas à la culture, au développement, à l'émancipation, n'accèdent pas à tout ça ? Est-ce que ce n'est pas pour eux ? Est-ce qu'il y a une réflexion ? C'était dans le cadre de la réflexion globale, et dans le cadre de mon travail, puisque je n'étais pas le seul. Je voyais d'autres enfants, des milliers de parents. Dans 33 ans, j'ai vu des milliers de parents, des milliers d'enfants, dans le même créneau, avec les mêmes demandes, avec les mêmes observations, avec les mêmes problèmes. Et donc, à partir de là, évidemment, soit on analyse la société et on va de l'avant et on essaie de l'exprimer d'une façon ou d'une autre, puisque je sentais que, cette réflexion, cet esprit critique était là, mais la réflexion n'était pas là. Donc il fallait bien que quelqu'un s'en charge. Et je pense qu'ici, on conjuguait tous les problèmes pour pouvoir les résumer et pour pouvoir les retranscrire et pour pouvoir les transférer. Et voilà, c'est ce qui a été fait. Et ce qui m'a réellement donné l'alerte, c'est que mon fils a été très, très rapidement, dès l'âge de 6 ans, étiqueté hyperactif, hyperkinétique. En l'espace d'une demi-heure, on lui a donné, en l'espace d'un dessin mal rédigé, on lui a donné directement une demi-heure après la rilatine. Et comme je suis sportif, j'étais sportif de très haut niveau. Donc là, j'ai commencé réellement à me poser de problèmes sur moi d'abord, évidemment, sur mon environnement, sur ma famille, sur la société, et de fil en aiguille. J'ai une analyse quand même politique de la société. Je n'ai pas voulu me résigner à une analyse individuelle. Je me suis dit non, c'est pas que moi, ça doit être, on doit aller plus loin, on doit faire une réflexion sociétale plus qu'individuelle, et je pense que c'est par là qu'on peut régler le problème. C'est pas individuellement qu'on peut régler le problème, c'est de façon collective et avec la société, et en réfléchissant sur la société. Et cette démarche a été depuis plus de 10 ans, d'ailleurs c'est pas une démarche nouvelle, c'est une démarche de 30 ans, mais le livre c'est 10 ans, c'est plus de 10 ans qu'il a pris, il a pris corps il y a 10 ans. Avec le combat pour mon fils. Et quoi, qu'est-ce qu'il est devenu ton fils alors aujourd'hui, Carlos ? Tout toi, mais voilà, moi... Mon fils est un beau grand garçon de 25 ans, qui a été champion de Belgique actuellement, qui a une belle carrière sportive, qui est... Dans quoi ? Sa discipline, c'est le jiu-jitsu brésilien, et il fait actuellement du men's fitness, il fait des shooting photos, il fait un tas de trucs. Donc c'est un poète à 16 heures, il fait bref, il a... Mais donc il s'est pas laissé broyer par la machine. Il s'est pas résigné, pas du tout, il a pris d'autres chemins, des chemins de travers, des chemins de biais, mais aujourd'hui il est parmi les 15 mondiaux, il était sélectionné à Monde, bref, il a une carrière très belle devant lui, très jolie, il est très positif, très optimiste, il a confiance, une grande confiance en lui, mais c'est aussi le fait qu'on est autour de lui pour lui donner cette confiance, parce que le système ne lui donne, le système lui a retiré la confiance. Donc il a dû aller par des chemins de traverse, et nous avons dû l'épauler dans cette logique pour qu'il puisse quand même accéder à ses rêves, à ses passions, puisqu'il s'agit de rêves et de passions. Et je pense que le système n'a pas vraiment, vraiment la structure mise en place, le système mis en place. Des fois, c'est malgré le système, mais c'est ce qui se passe réellement, en fait. Il y a un décrochage, il y a des illusions perdues, il y a un tas d'enfants qui n'accèdent certainement pas à leurs rêves, parce qu'il y a des filtres et des freins qui sont mais multiples à tous les échelons. Mais tu te rappelles, explique-nous en quelques mots la pièce de théâtre. C'est quoi l'histoire, en fait ? Je pense qu'il y a trois grands moments clés dans la pièce. Il y a le rêve, les rêves qui ne sont pas rencontrés chez les enfants. Donc ça, c'est un des moments clés. Donc il y a une espèce de frein, de contention généralisée dans la société, déjà de façon très précoce, qui est une contention juridique, qui est une contention, on va dire, pédagogique, qui est une contention psychologique, et qui est une contention aujourd'hui avec des éléments d'encadrement chimique. Donc il y a une forme de contention à tous les niveaux qui font qu'à un moment donné, il y a des freins. Et donc, chaque fois qu'un enfant met son effort, son énergie quelque part, il y a toujours des contradictions et des freins qui font qu'à un moment donné, toutes ces contentions chimiques, juridiques, psychologiques, pédagogiques dans le cadre du système, qui font que c'est très compliqué pour à un moment donné accéder au Graal des diplômes ou au Graal de toutes sortes d'autres choses, en tout cas dans le cadre scolaire qui est le déterminant, qui est le premier déterminant des enfants. Là, il y a une forme de hiérarchisation, de classement, de sélection, de formatage. Et d'étiquetage qui fait que c'est très compliqué pour réellement, à un moment donné, être soi-même, se développer en harmonie, puisqu'il faut être tout le temps quelqu'un d'autre, il faut se battre pour quelque chose d'autre que ce que réellement un enfant projette ou développe. Et ça élimine évidemment ceux qui n'ont pas les outils pédagogiques, ceux qui n'ont pas les outils culturels, ceux qui n'ont pas les outils réellement à leur portée pour comprendre comment être dans ce système, pour comment se développer dans ce système. Et puis les rythmes ne sont pas les mêmes chez chaque enfant, les pensées ne sont pas les mêmes chez chaque enfant, mais on veut formater tout ça. Et ne pas tenir compte de l'enfant. C'est l'enfant qui doit s'adapter au système, et le système ne s'adapte jamais à l'enfant. Donc c'est vraiment le truc à l'inverse, en fait. Oui, et en plus, comme le système, il est de plus en plus, ça devient une machine à broyer, comme ça, sans sentiment, très très dur. Donc les enfants, on les pousserait à devenir aussi des individus sans émotion, sans ressenti. Il y a une humanité profonde. Mais c'est malgré l'école, hein. Enfin, c'est pas malgré l'école, c'est malgré les profs, on va dire, parce que je ne tiens pas du tout à discréditer les professeurs. Au contraire, mais il y a une machine, enfin ce que je dis, j'ai l'habitude de dire, les idéologies dominantes sont les idéologies des classes dominantes. Donc elles sont insérées dans tous les secteurs, y compris dans l'enseignement. Mmh. Donc il y a une forme de réflexion aujourd'hui qui est une espèce de machine qui est en marche, qu'on ne peut pas freiner, où il faut être employable. Donc l'objectif, c'est d'être l'employabilité à laquelle il faut absolument veiller. Donc les enfants très tôt, très jeunes, ils doivent veiller à leur employabilité et ils doivent être performatifs, ils doivent être performants. Et donc ce sont deux critères qui viennent tout le temps comme premier déterminant dans l'école et dans le cadre des enfants. Donc on les pousse très vite, très tôt à être performants et directement à être formatés, s'adapter pour leur employabilité future, alors qu'on sait que l'employabilité future aujourd'hui n'existe plus. Malgré tout, on est dedans. Mais donc toi, alors, tu écris un livre, tu te mets en lien avec David. David Dobresse, c'est lui qui s'est mis en lien avec moi, en fait. Voilà. Il m'a trouvé, je ne sais pas par quel miracle, il m'a trouvé. Je pense qu'il y avait une personne, bon, comme c'est une personne qui fait pas mal de pièces de théâtre différentes, il a eu un artiste dans son groupe qui lui a parlé de mon livre. Et lui-même, il avait l'intention déjà de faire quelque chose de cet ordre-là, puisque lui-même a été une personne qui a été troublée, blessée, à différentes étapes, je crois. Donc, si j'ai bien... Je pense qu'on est tout plein à être des blessés. Voilà, et des... J'ai bien il n'y a pas que vous deux. Hein. Non. Donc voilà, je pense que c'est quelque chose qui s'est fortement généralisé. Je pense que tout le monde peut se retrouver là-dedans. Mais oui. Mais ce que je trouve intéressant, moi, j'avais envie d'un peu mieux comprendre, c'est donc tu fais un bouquin, il y a une pièce de théâtre qui est faite de tous ces propos. C'est le hasard pour moi. Donc, c'est un hasard heureux, mais c'est le hasard, évidemment. Le hasard qui fait bien les choses. Mais donc, ça crée un outil aussi, parce qu'il y avait débat, du coup, après la pièce de théâtre. Moi, j'ai adoré le débat. Hein. Ouais. Tu t'en souviens peut-être plus duquel c'était le débat, puisqu'il y a eu plusieurs pièces. Tu ne te souviens pas du débat? Ça si, a... si, ben, moi, bien sûr, je me souviens. Ça a commencé avec un monsieur qui disait. Sur l'industrie. Oui, qui ne voyait vraiment pas c'était quoi le problème. Non, non, mais tout à fait, sur l'industrie. Donc, il n'y avait aucun. Oui, pour lui, l'industrie, c'est bon, quoi. Donc, donc c'est comme si je pourrais, c'est comme si je dirais que l'esclavagisme, bon, il est là, ben, il faut l'accepter, donc il ne faut pas se battre contre. Donc voilà. Et pire, il faut habituer les gens à être esclaves. Esclaves. Donc c'est pour dire heureusement qu'il y a eu des gens qui à un moment donné se sont battus contre la barbarie et qui ont pris le pli autrement et qui se sont révoltés contre ça. Bon, mais il y a des gens qui sont déclinistes d'office. Ils disent non, il faut accepter le système, quoi. Alors que je pense qu'on doit absolument se battre contre ce système. Ouais. Non, mais je trouve ça rigolo parce que vous n'étiez pas là, mais il y avait vraiment un monsieur là qui était là occupé à dire je vois vraiment pas où est le problème. Il faut adapter les enfants au monde dans lequel nous sommes. À la compétitivité, la restructuration, puis ceux qui ont commencé, ils doivent être prêts à se faire sélectionner, se faire trier, ils doivent être le plus compétents possible. Et en définitive, c'est la société qui s'enrichira, quoi. Mais on ne pose absolument pas la question est-ce que l'enfant s'enrichira là-dedans ? Enfin, s'enrichir, c'est-à-dire. Est-ce que l'enfant est une ressource humaine, c'est-à-dire un produit à formater, ou un être social, complexe ? Et j'opte plutôt pour la deuxième. Donc l'enfant est un être social, prioritairement. Mais dans la salle, il y avait aussi des gens touchés par le parcours scolaire. Touché, et c'était très touchant, quoi. Parler à leur manière de comment ils avaient vu ou bien ils avaient vécu... Des histoires justement où on a l'enseignement a cassé des jeunes, quoi. Mm-hmm. Vraiment, après. Mm-hmm. Et c'est ça qui est intéressant dans votre projet, c'est-à-dire qu'on va mettre en avant, on va dire tout haut ce qui se passe aussi, parce qu'on entend beaucoup parler des médicaments qu'on donne aussi aux enfants, comme si ça allait de soi, comme si c'est normal. Voilà, maintenant on est dans une phase de l'évolution où les enfants, il faut leur donner des médicaments. Et on ne réfléchit plus du tout pourquoi c'est comme ça. C'est terrible parce que... En fait, en écrivant l'analyse du livre, j'ai constaté qu'il y avait évidemment des progressistes en pédagogie qui écrivaient chaque fois des petits segments. Et il y avait une réflexion sur des petits segments. Il n'y avait pas une analyse globale. Mais des petits segments genre Par exemple, sur la question du niveau qui baisse. Donc, ces progressistes traitaient une question bien déterminée et ne mettaient pas les petits bouts les uns derrière les autres pour réfléchir sur la question globale. Du problème. Certains progressistes parlaient et développaient une analyse sur la question du niveau. Oui, le niveau baisse. Le niveau des études. Des études baissent. D'autres disaient non, c'est une question de mixité sociale. Il faut plus de mixité sociale dans l'enseignement. D'autres se posaient des questions sur les méthodes globales et syllabiques dans l'enseignement. Donc, des espèces de réformes qui faisaient des pas de côté, en fait, sur la question centrale. Et toutes ces petites réflexions sur la question du poids du cartable, et on fait tout un livre sur toutes ces choses-là. Et on ne mettait pas d'emblée la question réellement sociétale, donc vraiment du début à la fin. Mais il n'y a personne dans le milieu, parce que moi je ne suis pas vraiment mon milieu non plus, mais dans le milieu éducatif, pédagogique, qui a une pensée comme la tienne, c'est-à-dire analysons vraiment... J'ai vraiment eu du mal et je me suis dit, il faut que je le fasse. Il faut que je le fasse parce que... Moi, je me disais, l'industrialisation a pénétré le modèle éducatif. Et donc, ils veulent faire exactement la même chose. Et ça termine par, au plus on veut être compétitif, c'est comme dans le sport, parce que je suis sportif, au plus on dope. Donc, on ne le dit pas, on n'ose pas le dire, mais comme il faut être compétitif, on va être obligé de doper nos enfants demain. On va le dire autrement, on va le faire autrement, on va l'égaliser, le généraliser, le vulgariser et l'accepter. Et je me dis, mais on va beaucoup trop loin. Est-ce qu'on a besoin de se doper déjà dès l'âge de 6 ans ? Et donc les gens ne veulent pas le voir comme un dopage, en fait. Et je me dis, c'est pas vrai. On est occupé à doper. Donc on veut évidemment du progrès. Et la façon de faire les choses, c'est de dire le problème n'est pas dans la société. La société va bien, elle se développe bien, elle va vite. Il faut de la croissance, il faut de la compétitivité. Donc il faut les outils pour arriver à la compétitivité. Et les outils pour arriver à la compétitivité aujourd'hui, c'est quoi ? C'est le fait qu'il y a des écoles en dehors de l'école qui rentabilisent les enfants et le fait qu'il y a une forme de dopage qui va quelque part leur permettre d'accéder puisqu'il y a un frein physique il y a un frein psychologique, on va leur donner des produits qui vont leur permettre d'aller plus loin, comme des amphétamines, comme c'est des... qui vont leur permettre quand même de se concentrer pour pouvoir développer la production qu'on leur demande. Comme dans les cadres de l'entreprise, où on accepte que 360 millions de personnes se dopent, en tout cas prennent des neuroleptiques, pour continuer à rester dans le cadre de la production. Sinon, ils seraient exclus de la production. Là, on le vulgarise, on le généralise, on dit « Ok, c'est bon, ils doivent le prendre, ces produits. » Et on leur permet d'aller au travail avec des neuroleptiques pour pouvoir continuer à produire. Et on fait exactement maintenant, il y a une niche qui est ouverte chez les enfants, et on dit « Non, le problème n'est pas dans la société, le problème n'est pas chez vous, les parents, le problème est dans la tête de l'enfant, il ne produit pas bien, il n'a pas une bonne production. » Et donc, on va faire le nécessaire, un, dans le cadre, on va bien les encadrer dans la préscolaire, donc encore leur donner plus de possibilités de suivre le cadre et le chemin de l'école. Mais en plus de ça, il y a d'autres outils qui vont leur permettre, comme des outils juridiques, chimiques, etc., qui vont leur permettre d'accéder à cette production demandée. Donc on est réellement dans un cadre performatif et de production. Et je ne voyais pas cette réflexion nulle part. Vraiment. Tu as fait de la recherche. Oui, j'ai fait beaucoup de recherches. Il n'y a personne qui dénonce, parce que quelque part, c'est quand même dénoncé. C'est une analyse complète comme ça, qui va du début à la fin. Non, les gens disent, mais non. Parce que chacun prend un petit bout comme ça, mais il analyse très bien des petits bouts, mais ne met pas une synthèse objective et subjective sur ce qui se passe réellement dans le système. Et du fait peut-être que je suis sportif, que j'ai été sportif de haut niveau, que j'ai vu ce qui se passait dans le sport et que je vois aussi les problèmes dans le sport de haut niveau, je me suis dit, mais on va exactement... L'école fait exactement la même chose, avec moins, elle doit faire plus, c'est-à-dire avec moins de professeurs, avec moins d'argent, avec moins de temps, puisqu'il y a eu 400 heures qui ont été retirées à l'école le mercredi après-midi, le samedi matin, avec les matières qui ont, le volume des matières qui a augmenté, puisqu'elle augmente tous les 7 ans, elle double tous les 7 ans, donc c'est plus de matières. Et les enfants, dans les écoles, on s'est rendu compte qu'il y avait 30% en trop d'enfants par école, donc il y a vraiment promiscuité dans les classes, il y a beaucoup trop d'enfants par école, il manque des écoles d'ailleurs à Bruxelles. Et donc, avec moins de profs, moins d'argent, moins de temps, plus de volume de matière, et des enfants qui sont vraiment concentrés dans des classes énormes, ils doivent quand même être très productifs parce que la société, elle avance. Donc, on voit que l'OCDE, on voit que la volonté de compétitivité de l'OCDE et de la globalisation, enfin tout ce phénomène de globalisation et de compétitivité qui est rentré, qui est un déterminant, qui est vraiment la loi déterminante dans l'Union économique européenne, a pénétré le modèle éducatif. Et on parle aujourd'hui en termes de capital immatériel, de théorie par compétence. Les enfants sont... par compétence ? De théorie par compétence. De théorie, voilà. Donc dans les classes même du fondamental, on dit qu'il doit travailler par compétence, par pédagogie par compétence et par... des techniques qu'on a introduites, des techniques qui sont des techniques de management industriel pour gagner en qualité de production, quantité de production, tout ce modèle qu'on impose au sein de l'Union économique européenne, ben, on le fait maintenant petit à petit pénétrer au forceps dans toutes les écoles et elles doivent se généraliser. Pour ça, on a un baromètre de la compétitivité qui est PISA, qui doit mesurer les enfants, le QI des enfants, la compétitivité de chaque classe, de chaque prof, de chaque école internationalement. Bref, il y a toute une évaluation interne, externe. Donc il y a tout un produit de compétitivité internationale qui rentre dans le modèle éducatif. Et je ne voyais pas les gens s'inquiéter. Ils pensaient que c'est tout à fait normal un enfant. Voilà, on met une étiquette à un enfant, puis un deuxième, puis 1000, puis il y a 40 000 en Belgique avec qui on a mis des étiquettes qui prennent de la rilatine. C'est normal. 40 000 enfants en Belgique prennent de la rilatine. Bon, il y a une niche économique énorme. Donc, en plus, ça, il y a un bon commerce, en fait, puisque ça n'existait pas. Et on le fait dès l'âge de 6 ans, donc c'est très tôt. Et légalisé, en plus. Hein. Oui, on dit, voilà, il y a un trou, il faut bien trouver ce trou quelque part. Alors qu'il n'y a aucun marqueur biologique qui ne permet d'identifier ou d'étiqueter un enfant hyperkinétique. Tout ça se fait sur base d'un comportement ou d'un dessin mal maîtrisé. Voilà. Ce sont des généralistes qui souvent... Il n'y a pas de suivi, en fait. On donne le médicament, il n'y a plus de suivi. Donc, on donne un médicament et c'est lui la balise, point. Il n'y a plus de suivi, il y a très peu de suivi. Oui, c'est dingue. Les personnes qui sont ici à côté de toi, là, parce qu'il y a un public, mais on ne le voit pas. Vous pensez quoi de ce que dit Carlos ? En général, je suis d'accord avec Carlos sur toutes ses réflexions. Et on y travaille quasi tous les jours pour pouvoir se développer le sujet et ses réflexions. Et vous êtes dans quoi alors? Vous aussi dans l'éducation ou le sport ou... Donc moi, c'est plus tout ce qui est technique. Je mets en place les outils pour pouvoir donner une forme à toutes ces réflexions et pouvoir le transmettre au public. D'accord. Donc c'est un peu mon travail. Ouais. D'accord. Ah, appelé par le gong. Il décroche, oui. Mais voilà que... Mais vous, si jamais, vous n'êtes pas obligé, qu'est-ce que vous auriez envie de dire sur ce que vous venez, enfin, Carlos, là? Je suis tout à fait d'accord avec Carlos, d'ajouter de plus. On n'a pas de contradictions avec lui, donc on est tous supports son projet. Vous êtes des supporters de Carlos. Voilà, c'est ça. Exactement. D'accord. Chami, le directeur technique de la lutte olympique en Belgique, quelqu'un qui a un gros bagage, il est champion du monde aussi. Et il s'occupe mais en évidemment quoi en lutte olympique. En lutte olympique, ouais. Excuse-moi, mais je ne comprends pas toujours quand tu causes. Excuse-moi, ah. Hein, je suis toujours là. J'articule pas, probablement. La lutte olympique, moi, c'est une activité qui est au JO, quoi, aux Jeux olympiques. Mm. Et en plus, cet homme-là, ce n'est pas n'importe qui, puisqu'il est ingénieur de formation et il était champion du monde en Russie. Et son fils nous donnait un coup de main pour créer les outils pédagogiques. C'est des petites vidéos qu'on va mettre en place, qu'on voudrait évidemment... Voilà, on veut faire un site, une Facebook, on veut le donner dans différentes écoles et tout ça, on veut passer dans les écoles. On veut vraiment travailler sur des outils pédagogiques faciles, simples. Nous avons analysé les choses ensemble. Bon, on ne sommes pas que trois, nous sommes vraiment beaucoup de professionnels autour d'une table régulièrement. Et on se concentre justement pour donner une forme pédagogique à notre travail, qu'elle puisse être comprise par les institutions, dans les écoles, avec tous les cadres qui travaillent dans l'animation sportive, culturelle, différente. Mmh. Et donc voilà, on se bat pour ça en fait. Et qu'est-ce que tu souhaiterais toi au fait, au fond, si tu pouvais rêver à ce que tout ça prenne, comment je dirais, prenne feu, Fire Gym, là, oui, prenne feu, c'est-à-dire qu'on entende vraiment ce discours de dire, ouais, tiens, au fond, bon, c'est peut-être pas si catégorique que ça, mais quand même, c'est pas les enfants le problème, c'est plutôt notre société qui est un peu malade, quoi, un peu beaucoup, peut-être. Si tu pouvais rêver, tu verrais quoi, en fait, qu'est-ce que tu mettrais d'autre en place, toi, avec ta bande? Ouais. Ben, on est parti en Finlande. Donc on a créé une structure qui s'appelle Parents luttant contre l'échec scolaire et le décrochage scolaire. Et avec cette structure, on a fait pas mal de conférences et des choses comme ça, mais on est aussi parti dans différents pays pour voir comment ça se passait ailleurs. Bon, par exemple, la Finlande, bon, il ne faut pas tout mimétiser de la Finlande, mais il y a quand même des choses très intéressantes. On est parti à Cuba, travailler avec les Cubains, dans les écoles cubaines, donc on a fait quand même pas mal de voyages. On a fait quand même pas mal de voyages pour voir comment les autres s'exprimaient, comment d'autres valeurs, d'autres cultures s'exprimaient sur cette question. Oui, c'est pas une fatalité, quoi. C'est ça, non, surtout, non, hein, quand on voyage, non, c'est aller voir ce qui se passe, non, ailleurs. Voilà, c'est pas une fatalité, pas ici. Et bon, quoi. Par exemple, la Finlande, elle nous a quand même interpellés. Donc, au niveau PISA, elle parvient à faire mieux que le Japon ou la même chose, sans devoir rilatiner tout le monde, sans devoir. Mais en quelques mots, PISA, c'est. PISA, c'est le baromètre de la compétitivité mondiale dans les écoles. C'est, ouais, vraiment ce qui est le meilleur. Donc c'est une forme de baromètre de compétition, mais quelque part, je dis, il y a deux systèmes. Il y a le système finlandais qui lui fait un tronc commun sans redoublement. Il n'y a pas de notes dans les écoles. On s'occupe de culture, beaucoup de culture générale, du sport, etc. dans le cadre de l'école. La remédiation est faite directement. On ne fait pas redoubler les enfants. Il n'y a pas d'école spéciale. Les enfants, on ne les met pas dans des écoles spéciales. Ils sont tous dans un tronc commun. Les enfants qui ont un problème, on les prend à part. On travaille avec eux directement et on leur remet dans leur classe d'âge, etc. Donc il y a des possibilités. Les ateliers, c'est des petites classes. Les enfants, ils utilisent leurs compétences motrices, cognitives, enfin, l'ensemble de leurs compétences autour d'une table, à créer des projets en commun, par exemple. Quand vous ouvrez une porte d'une classe finlandaise, les enfants, ça crie, ça parle. C'est pas assis toute la journée sur un banc, c'est debout, ça bouge. Donc il y a des choses, il y a vraiment des expériences très positives à prendre. À Cuba, j'ai vu d'autres expériences qui étaient magnifiques aussi sur la question de la culture, le sport, comment on a intégré ça directement et très vite chez les enfants. comment on mettait beaucoup de patience là-dedans, enfin, comment c'était intégré intégralement, enfin, c'était vraiment cristallisé dans l'éducation, la culture était cristallisée, les enfants jouaient des échecs, enfin, plein de choses quoi, qui sont intégrées dans l'éducation, mais directement. Et pas ici, c'est externalisé, ici c'est 2 heures par semaine de culture, de sport, on a externalisé ça de l'école, c'est les parents qui doivent prendre le relais, et donc dehors, il y a ceux qui ont les moyens peuvent se le permettre, ceux qui n'ont pas peuvent pas se le permettre, donc du coup, on s'occupe pas de motricité dans le cadre de l'école, nous on voudrait réintégrer la motricité dans l'école, donc la mi-temps pédagogique par exemple, scientifique le matin ou l'après-midi, et pédagogique le matin pour les petits, et donc voilà, on a fait tout une espèce de chronobiologie pour les rythmes scolaires, on travaille sur ça pour voir comment on peut intégrer, comment nous on peut être un outil au service de cette intégration, comment tous les secteurs, les entraîneurs, on peut être un outil réellement, on veut apporter notre savoir-faire, nos compétences à l'éducation, et on peut le faire, on a les outils pour le faire. Soutenir les professeurs dans les écoles au niveau du sport, de la culture, de l'art, plastique, corporel, enfin tous les arts qui existent, il faut absolument les intégrer, ils font partie du développement de l'enfant en général, donc il faut vraiment une école intégrale, et ça c'est pas le cas, c'est une école uniquement pour l'employabilité, mais c'est pas une école pour l'enfant, nous on veut une école pour l'enfant, on veut une réussite pour tous, c'est l'école pour l'enfant. Carlo, je suis obligée de te couper, mais ça fait de combien, après on coupe, mais... Le délégué des droits de l'enfant, Bernard De Vos et tout, est-ce que tu as déjà rencontré? Parce que normalement, il est censé défendre les droits des enfants. Est-ce que tu es déjà... Je l'ai déjà beaucoup écouté, mais je ne l'ai jamais rencontré. Bah, je pense que tu devrais aller le rencontrer, non? Oui, tout à fait. S'il veut bien m'écouter. S'il veut bien m'entendre, j'aimerais bien, oui, évidemment. Tout le monde, d'ailleurs. tout le monde. Il n'y a aucun problème. Nous, on fera le travail jusqu'au bout. Un petit mot de fin sur tout ça, et en sachant maintenant que je vais aller rencontrer le gars qui a David, mis en scène, David. En tout cas, je vous remercie 1000 fois de nous donner la parole, parce qu'on est toujours dans l'ombre, on est souvent dans l'ombre, alors qu'on fait un travail qui est souvent énorme dans les quartiers. On ne voit pas souvent, on n'apparaît pas souvent. Et là, on nous a donné l'occasion de pouvoir nous exprimer. Et voilà, donc c'est un miracle, cette pièce pour nous. C'est vraiment quelque chose de très positif. En tout cas, on voudrait qu'elle soit d'utilité publique, qu'elle serve à l'ensemble de la population, qu'elle serve surtout au pouvoir dirigeant également, et qu'elle puisse transformer. Voilà, en gros, on est optimiste, puisqu'on travaille, on fait des choses, on est optimiste. Donc on voudrait vraiment continuer à bosser dans ce sens-là. Maintenant, on retrouve au théâtre Le Public. C'est là qu'on s'est donné rendez-vous avec David Daubresse, donc le gars qui a mis en scène le bouquin de Carlos qu'on vient d'entendre. Théâtre Le Public qui se trouve à Bruxelles, Saint-Josse. Tu sais un petit peu décrire, toi, le Théâtre Le Public ou sans plus? Non? Non, le Théâtre Le Public est un théâtre plutôt privé, je pense. Qui fait beaucoup de théâtre de divertissement. et moi je suis assez content d'être invité ici pour pouvoir partager justement une pièce politique où on me donne la possibilité d'organiser des débats, etc. quoi. Voilà, la ministre est même venue la semaine passée. La ministre ? La ministre Joëlle Milquet. Ah, Joëlle ! Voilà, la ministre de la Culture et de l'Enseignement, donc voilà, ça c'est très bien. C'est du pain béni, hein. Donc pour elle, c'est un spectacle qui parle de l'enseignement. Donc, Et toi, présente-toi aussi, qui parle là, t'es qui toi? Mais donc, je m'appelle David Daubresse, donc je suis comédien et metteur en scène. Et j'ai écrit ce spectacle, c'est ma première création personnelle. Qui s'appelle? Entre rêve et poussière. Voilà. Voilà, en fait, c'est mon projet de fin d'études en fait, au départ. J'ai fait mes études au Conservatoire de Liège. Et donc, arrivé en quatrième année, on nous pose la question, on donne une carte blanche, en fait, en nous demandant qu'est-ce que vous avez envie de dire, qu'est-ce qu'il vous est nécessaire, vital, de raconter aujourd'hui sur scène. Et moi, je voulais parler de ma scolarité difficile, et donc, de manière autobiographique, j'ai raconté ce que j'avais vécu à l'école, au départ, vraiment en utilisant les mots dont je me souvenais, de ce qui résonnait encore dans mes oreilles. C'était une première étape de travail qui durait au départ 30 minutes. Et puis, ça a plu et on m'a donné l'occasion de le créer. On m'a donné l'argent pour le faire. Quand tu dis « on », c'est qui le « on » Donc, ça a été produit par le Théâtre de Liège et coproduit par ma compagnie Aretsa. Voilà. Et aussi avec l'aide de la province de Liège. D'accord. Et donc, on a créé ça l'année passée au Théâtre de Liège. On a fait l'ouverture dans la petite salle du Théâtre de Liège. Voilà. Et donc, toi, tu as eu des problèmes à l'école, comme ça. Ça t'a tellement marqué que tu as besoin de... Je comprends, il n'y a pas de souci, il n'y a pas besoin de justifier. Mais ça... C'est quoi... Tu as eu difficile à l'école, ça t'a fait souffrir fort? Ah, oui, quand même. Comment dire Ben oui, on est marqué par ça, hein, je veux dire... les premières années de l'enfance, c'est quand même quelque chose. Enfin, disons que c'est une période où on se construit, où on construit l'être humain qu'on va devenir plus tard. Hein. Ça se joue dans ces années-là. Hein. Et c'est clair que c'est quelque chose qui m'a marqué. C'était pas tout à fait réglé, hein, cette histoire-là. Et d'une certaine manière, clôturer mes études artistiques. En revenant là où tout a commencé, pour moi, c'est comme si je bouclais la boucle, quoi. Mm. Mais bon, ça c'est très personnel et je n'en parle pas dans le spectacle, hein, ça n'apparaît pas du tout. Mm. Mais je me suis beaucoup posé je me suis vraiment posé la question de qu'est-ce que l'école voulait fabriquer, quoi, comme individu, comme être humain. C'était ça, hein, la question. J'avais un rapport à mon imaginaire qui était très fort et j'étais réprimandé pour ça. J'avais l'impression que je n'avais pas le droit de rêver, c'était pas possible. Et donc je me suis posé cette question-là, du coup. Qu'est-ce qu'on veut fabriquer comme individu, comme être humain, quand on n'a pas le droit de rêver? Parce que réprimander des enfants rêveurs, pour moi, c'est ne donner aucune chance à une quelconque transformation, amélioration de la vie en société. Parce que ce sont des enfants capables d'innovation... d'imagination, voilà, c'est... On casse les enfants rêveurs, c'est... Pour moi, c'est inadmissible. Et alors, comment toi, tu as... Parce que c'était vraiment la question que je posais aussi à Carlos, tiens. Mm-hmm. On parle, d'accord, on le sait, on entend vaguement, même ceux qui ne sont pas dans le secteur, qu'il y a une jeunesse là, que l'école est en crise, que les jeunes, ça va pas, que le niveau scolaire baisse, enfin, tu sais, tout ce qu'on entend comme ça, un peu vaguement, sans vraiment approfondir, et puis aussi qu'il y a de plus en plus de jeunes hyper ceci ou hyper cela, et qu'il faut donner des médicaments pour soulager. La question, c'est, est-ce que tu avais déjà entendu parler de tout ça? Mais vraiment pointu, quoi, c'est-à-dire vraiment aller chercher la cause de tout ça. Parce qu'en discutant avec Carlos, donc lui explique, voilà, il a eu envie à un moment donné d'écrire un bouquin, et je lui demandais, mais il n'y a pas déjà eu de quoi te raccrocher sur des références, tu sais, des gens qui sont dans le milieu éducatif, pédagogique, et il me disait que non, en gros. Et toi, t'as compris ce que... Donc il n'y a pas de gens, il disait vaguement qu'on entend parler, oui, de petites choses comme ça, mais jamais approfondies, quoi. C'est-à-dire, oui, on entend, comme je viens de citer, l'école est en crise, il y a une perdition du savoir et des choses comme ça. Enfin, ça ne va pas, les jeunes et l'école, quoi, ça semble très clair. Et il y aurait dans le secteur, et puis, allez, c'est vaste, hein, ce secteur, hein, psychologie, enfin, psychologue... Et qu'il n'y aurait personne qui mettrait ça sur la table en disant qu'est-ce que c'est que ces causes? Comment ça se fait que... Est-ce que c'est les jeunes qui sont malades? Est-ce que c'est la société qui est malade? Enfin, est-ce que toi, en te concentrant et en te posant des questions sur l'école, à quoi elle sert, t'as pu rencontrer comme ça, mis à part Carlos, des personnes qui sont vraiment dans le secteur intéressantes à rencontrer, quoi. Oui, bien sûr. Au départ, c'était un peu comme Carlos, hein, c'est-à-dire que moi, j'avais vécu ça Et comme beaucoup de gens, beaucoup de parents, d'enfants, on se sent seul en fait. On a l'impression d'être le seul à vivre ce type de choses. Hein. Beaucoup de parents ont l'impression qu'ils sont les seuls au monde à avoir un enfant en difficulté. Et c'est tout seul qu'on essaye de régler les problèmes. Donc moi, quand j'ai commencé à créer ce spectacle et à me poser toutes ces questions, je me sentais un peu seul. Hein. Je n'entendais pas parler de littérature là-dessus, de documentaires là-dessus. J'ai dû chercher pour en trouver. Et j'en ai trouvé, et je m'en suis inspiré. Je suis tombé sur le livre de Carlos, hein, je me suis dit, ah oui, tiens, il y a quelqu'un qui a quand même écrit, qui a fait un état des lieux sur le système scolaire. Donc ça m'a beaucoup intéressé, donc je l'ai contacté. Et puis j'ai rencontré d'autres gens, évidemment. Donc toute la plateforme de lutte contre l'échec scolaire, hein, qui regroupe plusieurs associations comme l'Appel pour une école démocratique, Changement pour l'égalité, la Ligue des droits de l'enfant et d'autres. Voilà, ce sont des gens que j'ai rencontrés, qui m'ont parlé de l'école, qui m'ont donné des références, donc j'ai étudié. Et puis, d'ailleurs, maintenant, je les invite à venir débattre tous les soirs avec un intervenant différent pour venir débattre avec moi à l'issue des représentations. Donc voilà, c'est comme ça que ça s'est passé, oui. Mais quoi, et ces gens qui sont dans le secteur alors scolaire, en contact avec les enfants, ouais. C'est quoi le retour de... Parce que j'ai l'impression, c'est ça, hein, j'espère que tu comprends bien, j'ai l'impression... Enfin, moi, ça m'a fait... Voilà, j'ai vu le spectacle. Le titre ? Entre rêve et poussière. Entre rêve et poussière. Je l'ai vu. Alors, j'ai vraiment bien aimé. Après, on peut discuter. Ça, c'est plus peut-être artistiquement, mais j'avais plus envie aussi d'aborder la chose autrement. C'est-à-dire que, sur le fond, j'adore vraiment le fond. Après, la forme... Waouh, ça se discute un peu pour moi, quoi. Voilà, la forme, bon, je la trouve un peu classique comme ça, tu vois. Ça, la petite fille dans son lit avec sa fenêtre Saint-Nicolas et le. Enfin, c'est. Après, les gens, il faut qu'ils voient le spectacle, évidemment, mais le fond, tout à fait d'accord. Et moi, j'avais envie de discuter aussi du fond, c'est-à-dire, ça fait tellement du bien d'entendre une remise comme ça totale de l'école, quoi, parce qu'on a vraiment ras-le-bol. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, alors que ça devrait être vraiment crié haut et fort, quoi, il faut faire quelque chose, là, il est plus que temps, eh bien, on n'en entend pas beaucoup parler. Et donc, ce spectacle permet d'en parler. Et ça fait vraiment du bien. Voilà. Mais c'est vraiment ça le but, c'est vraiment ça la démarche. Et la démarche de la compagnie, en tout cas, c'est de faire du théâtre engagé, de parler de phénomènes de société dont on parle peu. Et le fait d'en parler au théâtre, où tout le monde se tait dans la salle, où on prend le temps d'écouter ce qu'on a à dire et puis d'en débattre, c'est déjà quelque chose. Voilà, on fait l'effort de regrouper des associations, on essaye de faire que cette chose-là soit un outil de sensibilisation, hein, vraiment, un outil de conscientisation. Et ça fait quand même son chemin parce qu'à Liège, on va jouer devant 3000 profs. Donc 3000 profs vont quand même entendre ce discours-là et vont quand même réfléchir là-dessus, dans le cadre de leur formation. Hein. Donc c'est encadré, tout ça. Ils viennent voir le spectacle dans le cadre d'une journée de formation et ensuite réfléchir à ce qu'ils ont vu et y apporter une critique, quoi. Donc voilà... Moi, je suis assez content de ça. Je ne pensais pas au moment où j'avais commencé à écrire ça au conservatoire. J'étais loin de me dire que j'allais jouer un jour cette chose-là devant 3000 professeurs, que la ministre allait venir le voir. Donc, ça prend quand même des proportions. Bah, c'est parce qu'il y a un réel souci. Il y a un réel souci, bien sûr. C'est un phénomène de société très, très important. L'école, c'est partie intégrante de la vie des gens. Hein. Et transformer l'école, ça transformerait la vie quotidienne de beaucoup, beaucoup de gens. Hein, pour beaucoup de gens, l'école, ça fait partie de la vie. C'est souvent le principal sujet de conversation à la maison, quoi, surtout quand ça ne va pas. Quoi. Donc, c'est clair que... Il faut changer. Ouais. Bah, surtout l'école, elle prend une place de dingue. Hein. Quand tu regardes l'horaire, c'est dingue. Les gamins, ils sont à l'école du lundi au vendredi. Ouais, ça prend toute la place, quoi, hein, toute la journée. Mais ce que je trouve dingue, c'est que qu'on attende, moi je trouve ça évidemment génial, cette pièce de théâtre et des choses comme ça, mais c'est qu'on attende qu'il y ait une pièce de théâtre pour bouger ses fesses, quoi. On en est là aujourd'hui, quoi. C'est souvent, maintenant, j'ai l'impression, les artistes qui montrent le chemin, qui disent les choses, alors que ça fait longtemps que ça va droit dans le mur, là. C'est pas depuis aujourd'hui, quoi. C'est ça, hein, surtout. Mais c'est ce que je disais tantôt, c'est que les gens se sentent seuls. On est dans une société où je crois qu'on n'a plus le temps de penser. On n'a plus le temps de réfléchir. Les gens travaillent toute la journée. Tout ce qu'ils ont envie de faire, c'est de se retrouver devant la télé et décompresser, quoi. On est dans une société comme ça. On n'a plus le temps de lire, on n'a plus le temps de réfléchir. Donc, quelque part, les artistes ont un peu le temps de penser, ont un peu le temps de faire ce travail-là. Je me dis que... Oui, donc les gens sont de plus en plus seuls, on est dans une société de plus en plus individualiste, donc c'est ça, hein, les gens se sentent seuls face à leurs problèmes. Donc le fait qu'il y ait une pièce de théâtre qui parle de ça, où on se rassemble autour d'un spectacle, c'est une opportunité, hein. C'est vivant, c'est ça qui est fort dans l'acte théâtral, c'est qu'on arrive à se regrouper un instant, au même moment, à un endroit pour discuter. Donc voilà, c'est ça qu'on fait, quoi. Et voilà. Mais et aussi sur ce que tu disais avant, l'école, enfin dans la place que ça prend dans la vie. Mais ce qui est, c'est que c'est un enjeu pour l'avenir. Hein, pour beaucoup, l'enjeu, c'est l'ascension sociale. Hein, pour des gens issus de milieux défavorisés, l'école, c'est un moment où il ne faut pas louper le coche, hein, parce que l'avenir, la vie professionnelle commence à se dessiner dès l'école. Hein. Donc il y a une pression de la société, en fait, hein, parce que dans notre société, il faut réussir. Il faut réussir sa vie. Et réussir sa vie est étrangement lié dans notre société occidentale à la réussite professionnelle et à l'argent. Et à ce que tu gagnes, oui, voilà. Et à l'argent. Donc ça, c'est une idéologie qui collective, je ne sais pas, qui transpire dans notre société, qui est très difficile à... C'est très difficile d'en décrocher. Et donc, c'est ça l'enjeu, quoi. Et donc, dès l'école, dès l'enfance... On nous transmet ces valeurs-là. C'est quand même dommage que ce soit ces valeurs-là qu'on nous transmette à l'école. La compétition dans les écoles. Déjà, rien que les notes, même le vocabulaire utilisé. Hein, y a des moments où on se dit, mais on est dans l'antichambre de l'entreprise. Hein, l'école adopte quelque part les codes de l'entreprise dans son vocabulaire, dans la manière d'évaluer. Dans les rapports, voilà, tout ça est interpellant et pose de nouveau la question de qu'est-ce que l'école est en train de fabriquer comme individu, comme être humain. Est-ce que l'école fabrique des bons petits employés, capables simplement de s'inscrire dans le monde du travail? Voilà, l'enjeu, c'est quand même de changer, de transformer la société, d'améliorer la vie en société. Et ce n'est donné aucune chance, tant que l'école restera comme ça, ce n'est donné aucune chance à une transformation de la vie en société. Pour moi. Mais, moi, ce que je reviens avec je vais la préciser cette question, mais je suis étonnée, en fait. Bon, lors de ces débats, j'imagine qu'il y a évidemment plein de gens, des profs, comme tu as dit, en tout cas des gens qui sont concernés par la question ouais. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre comme... Il y a des profs, des psychologues, j'en sais rien, moi. Si, tous les soirs, il y a des enseignants qui sont là, et la plupart sont d'accord avec ce qu'on raconte. Il y a des gens qui nous disent, j'ai l'impression... Enfin, il y a encore mardi, j'ai encore une directrice d'école qui m'a dit, j'ai l'impression que vous êtes venu filmer dans mon école. Parce que ça se passe, il y a des choses comme ça qui se passent. Et c'est très compliqué à changer, quoi. Voilà, moi, c'était ça que je voulais. Ouais, c'est... Qu'est-ce qu'on attend, en fait? Parce que, bon, y a une pression qui a augmenté avec les années. Hein. Mm-hmm. Voilà, maintenant, je pense qu'on est dans le mur, très clairement. Mais qu'est-ce qu'attend le délégué des droits de l'enfant? J'en sais rien, moi. Qu'est-ce qu'attend les profs? Qu'est-ce qu'attendent... Enfin, je ne connais pas super bien le secteur, mais tous ces gens, ils attendent quoi, au fond? Qu'il y ait un spectacle pour mobiliser les choses, pour se rendre compte, pour... Non, on se rend compte, mais... Agir, c'est peut-être encore différent, quoi. Mais qu'est-ce qu'il faudrait, qu'est-ce qu'ils attendent? Je ne sais pas. Il y a des gens qui n'attendent rien, hein, qui subissent. Mais est-ce en tout que cas, toi, Cathy... voilà, est-ce que toi, en voyant tous ces gens régulièrement, mm-hmm. Plusieurs soirs d'affilée, enfin, hein, mm-hmm. quand tu fais tourner ce spectacle, qu'est-ce que tu vois de ce monde-là, quoi? Qu'est-ce qu'ils disent? Ben, qu'ils sont d'accord, qu'ils aimeraient que ça change, mais qu'ils ne peuvent rien... Que là où ils sont, ils ont l'impression d'être impuissants. C'est ça qui... Et alors, du coup, ils nous renvoient la question. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'on est d'accord avec ce que vous dites, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Mais ce qu'on peut faire, c'est qu'il faut... Enfin, en tout cas, avec le spectacle, je trouve que ce qu'on peut faire, c'est prendre conscience, faire plus attention à l'enfant. Parce que pour moi, c'est ça aussi l'objectif principal, c'est que chacun individuellement puisse prendre conscience qu'un enfant est un être humain pour qui apprendre doit avoir du sens... qu'il y a des problèmes familiaux parfois énormes dont il faut tenir compte, il faut plus écouter. Donc voilà, qu'on fasse un peu plus attention à l'enfant. Ça, c'est une première chose. Mais ensuite, il faut transformer l'école. Mais ça, c'est pas une directrice d'école qui va le faire. C'est au niveau politique que ça doit se faire. Alors la ministre est venue, mais... Voilà. Une directrice pourrait déjà mettre elle pourrait déjà créer quelque chose ou du remous en disant ça suffit parce qu'elle est en contact direct avec les jeunes, c'est pas tu vois c'est... Oui, mais là où c'est compliqué, c'est que pour un enseignant, quand on est plus de 25 élèves dans une classe, s'occuper de tous les enfants et s'occuper des enfants plus en difficulté ou issus de milieux défavorisés, c'est extrêmement compliqué. C'est extrêmement compliqué. Donc, c'est très difficile à gérer. Et puis, des enseignants qui seraient un petit peu pas top au niveau pédagogique. Mais quand ces gens sont nommés, c'est parfois difficile à gérer aussi. Hein. C'est pas facile d'être directeur d'école. Moi, j'ai discuté déjà avec des gens comme ça. Qui sont un petit peu démunis. Hein. Non, il faut transformer l'école, il faut transformer le système, il faut que les enseignants soient mieux formés, la société est quelque part un peu en mutation, et l'école est un petit peu en retard, on est sur des anciens modèles, tout ça n'a plus beaucoup de sens. Quoi. Et c'est très difficile à gérer pour... Pour les enseignants, et on ne fait pas du tout la guerre aux profs, hein. C'est pas ça qu'on fait. Hein. On comprend les difficultés, mais voilà. Bah d'ailleurs, ils prennent aussi des médocs. Hein. Et j'allais dire, tiens, comment t'as rencontré Carlos, quoi? Tu l'as trouvé comment? Dans un annuaire ou comment s'est fait le lien? Ah non, c'était quelqu'un, je connaissais un pianiste qui était très... qui s'intéressait beaucoup à l'école, qui s'appelait Alberto Di Lena. je l'ai rencontré, il était prof au conservatoire. Et il m'a dit, ah, je connais un bouquin qui parle pas mal du système scolaire. Ben, lis-le, quoi. Et alors, j'ai trouvé le livre... J'ai contacté Carlos, je lui ai dit, on m'a parlé de vous, on m'a parlé d'un livre, peut-on se rencontrer? Et c'est là qu'il m'a filé le livre, que je l'ai lu et puis que je l'ai re-rencontré en disant que son livre me donnait de l'énergie, parce que j'étais d'accord avec ce qui était dedans. Et c'est là qu'il m'a commencé à m'expliquer que ça faisait 30 ans qu'il travaillait avec des enfants en décrochage, etc., dans son centre Et donc, on a aussi organisé des interviews chez lui, etc., pour pouvoir me nourrir et m'enrichir de toutes ces paroles-là, quoi. Mmh. Voilà. Le courant est bien passé, quoi. Ah oui, oui, tout à fait. Il n'y a pas de problème avec ça. Ce qu'on n'a pas beaucoup parlé, c'est la réorientation vers un enseignement professionnel. Ça aussi, c'est un problème de l'école. Où de plus en plus tôt, on réoriente par défaut des enfants qui ne sont juste pas capables de réussir dans le général, vers un enseignement professionnel qui est complètement dévalorisé, et ça crée des écoles poubelles. C'est un gros problème, quoi. Moi, j'avais un prof qui me disait ça. Il me disait, n'allez pas en professionnel, ça ne mène à rien. Il donnait cours dans le général et dans le professionnel. Mmh. Moi, j'étais dans le général, et il disait, n'allez pas, battez-vous. Donc, de nouveau, la compétition. Battez-vous, n'allez pas en professionnel, ça ne mène à rien. Et donc, voilà, c'est quand même assez interpellant qu'un enseignant dise ça à ses élèves. Et enfin, ça veut dire quoi? C'est comme si la communauté française organisait un enseignement, mettait de l'argent dans un enseignement dans lequel il faut surtout pas aller. C'est assez interpellant, quoi. Et donc voilà, on est réorienté comme ça. C'est pas comme si les profs, enfin les enseignants disaient voilà, tu vas être réorienté vers un enseignement professionnel parce qu'on estime que tu as du talent pour un métier manuel, que tu vas t'épanouir là-dedans et que ça va être bien. Non, on est réorienté vers un enseignement professionnel quand on ne réussit pas dans le général. Mmh. Point. Donc ça crée. Ça crée des jeunes frustrés qui n'arrivent pas à se projeter dans l'avenir, puisqu'ils sont réorientés par défaut, ils vont dans un endroit où ils n'ont pas, pas choisi. Surtout, c'est pas valorisé, c'est ça. Ce n'est pas valorisé. La société là-dedans ne valorise pas plus ça. C'est une absurdité, hein. Mais voilà, c'est comme ça. Et ça crée donc des jeunes frustrés qui n'arrivent pas à se projeter dans l'avenir. Et si je vais plus loin dans la réflexion, moi, je me dis qu'après. Parce que c'est souvent des jeunes issus de milieux défavorisés, issus de l'immigration. Et après, on s'étonne, quelque part, qu'il y a des jeunes qui partent en Syrie. Hein, et après, on s'étonne qu'il y ait des gens qui. Enfin, qu'il y ait des Charlie Hebdo. Mais, enfin, voilà, moi, je pense que la société est responsable de ça. L'éducation est responsable de ça. Hein. La société, quelque part, crée son propre ennemi. Hein. Si on s'occupait de ces jeunes-là, il n'y aurait pas ça. Hein. Mais donc, voilà. Mais, oui, c'est sûr, mais je suis tout à fait complètement d'accord avec toi. Mais l'école, pour moi, il faut tellement la changer que, oui, évidemment, tout ce qu'on dit là, le professionnel, le général, mais ça fait longtemps qu'on en parle, on le sait, tu vois. Là, je pense qu'il faut vraiment. Là, aujourd'hui, il faut changer. Voilà, il faut changer. Il faut que la ministre, c'est très bien qu'elle vienne voir votre spectacle, mais discutons-en pour faire évoluer les choses. Et comme y a des exemples, hein, il n'y a pas que la Belgique, il y a des exemples ailleurs pour montrer que ça marche mieux, que les gens sont, enfin que les enfants, oui, les gens, mais c'est aussi les profs, les parents, c'est pas simplement que les enfants, hein, c'est notre société en fait, hein, c'est les gens qui se porteraient vachement mieux. Mais voilà. Il y aurait plein à dire, hein. C'est ça, c'est pas que les gamins, quoi. C'est plein de gens qui sont concernés dans cette histoire. Oui, bien sûr. C'est ça. Mais par exemple, ta pièce, moi j'avais envie de souligner ça, si tu étais d'accord d'en parler un petit peu, c'est que le fond entièrement d'accord, d'ailleurs ça faisait du bien d'entendre ça, mais ça aurait été meilleur encore s'il y avait eu un peu plus de. Parce que c'était pris au premier degré comme ça. Hein. Et puis. Oui, j'aurais aimé que ce soit un petit peu plus rock'n'roll, je crois. Enfin, l'intention, c'est. Mais c'est très classique, en fait. Hein. T'as un enfant près d'une fenêtre, avec le lit. Très classique, quoi. Le Saint-Nicolas qui est par la fenêtre, puis l'astronaute. Ouais. Pourquoi avoir choisi cette forme-là et pas un peu plus. Est-ce que c'est voulu, que ce soit très classique comme ça? Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Si, je comprends très bien ce que vous voulez dire. Maintenant, comment l'auriez-vous fait? Ça, je l'ignore. J'aurais souhaité un peu plus rock'n'roll, un peu plus un peu plus marrant peut-être aussi, parce que voilà, c'est sûr que c'est pas marrant. Hein. Ben non. Ben... Des fois, c'est un peu tiré par les cheveux. C'est un peu, comment dire, le prenez pas mal. Hein. Du coup, on se vous voit. Mais je te dis, le fond, j'adore. Hein, mais la forme, pour moi, voilà, et j'étais accompagnée aussi de personnes. Et on a trouvé pareil que voilà, c'était un peu trop classique, quoi, voilà, pas assez un peu de... Voilà. Mais je ne comprends pas très bien la définition de classique, parce qu'on n'est pas du classicisme. Classique, ça veut dire que, bah oui, la petite fille, elle est le soir dans sa chambre, avec son lit, avec sa petite peluche, C'était très classique, enfin, la petite fille qui rêve de danser. On aurait pu imaginer d'autres rêves aussi. Quoi, ah oui, voilà. Bien sûr, c'est assez conventionnel comme chose, mais en même temps, c'est la vérité. Je ne sais, c'est la vérité, je ne sais pas. Oui, on aurait pu sortir des sentiers battus, oui. Mais c'est la vérité, ce sont aussi des clichés de société. Hein. Plein de filles veulent devenir danseuses. Et c'est aussi, je ne sais pas, et quelque part, des enfants qui veulent devenir artistes, où on parle aussi un peu de la télévision. Hein. C'est aussi la société qui met ça dans... qui met ça dans la tête, hein. On est aussi cadré dans des... Je ne sais pas comment dire. Il y a un formatage comme ça, hein, des rêves d'enfants, hein, quelque part. Oui, mais moi j'ai deux filles, je sais de quoi. Mais justement, ça aurait été rigolo, ou peut-être un peu plus décalé, de mettre les choses... tu sais, j'invente, moi, mais ça, voilà, on parle, on discute, voilà, on va avoir vite coupé, mais c'est d'imaginer, par exemple, un gamin, en tout cas, là, c'est une fille qui aurait rêvé un truc un peu, tu sais, hors catégorie, comme ça, et ça fait rire tout le monde le comprend, il faut trouver la chose, hein, mais pas forcément la mettre dans le cas de figure de la danseuse qui adorait. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Je te dis, le fond impec et la forme un peu plus... un peu plus... Ben, je comprends, mais voilà, c'est né comme ça, ça a grandi comme ça. Je ne me suis pas beaucoup plus posé de questions là-dessus. Il y a eu une première forme, elle a évolué, et puis on a surtout travaillé sur le contenu. Je ne me suis pas beaucoup posé plus de questions là-dessus sur la forme. D'ailleurs, on n'a pas beaucoup le temps, hein, pour créer un spectacle. Hein. C'est quelque chose de... C'est 6 semaines de répétition, hein, un spectacle comme ça. Hein. Donc, ce n'est pas que... on a le temps d'essayer beaucoup de choses. Déjà, avoir un enfant sur le plateau, c'est déjà quelque chose d'assez complexe. Hein. Ça demande beaucoup d'organisation. Il faut s'adapter. Le travail qu'elle fait est quand même assez important, on l'a mis au centre. Donc déjà, tout ça mobilise beaucoup, beaucoup d'énergie. Hein. Si on avait plus de temps, plus d'argent, je pense que oui, on aurait le temps de créer, de se tromper, de faire plusieurs étapes de travail, etc. Là, voilà, il y a une chose qui est née comme ça, et puis elle a grandi comme ça, et avec le temps qu'on a, je pense qu'on n'a pas le temps de faire beaucoup d'expériences, c'est ça que je veux dire. Mais ça, c'est le problème des artistes. Tous les artistes, hein, voilà. Le théâtre, l'école. Oui, oui. Même combat. Tout. Bah oui, bah, c'est la culture, hein, c'est ça. Hein. La culture, en temps de crise, voilà, c'est pas, on n'est pas au top. Hein. Allez, je te laisse les mots de la fin sur tout ça, toute cette discussion là qu'on vient d'avoir. Que dire pour terminer? Je ne sais pas comment clôturer. Ben... Où vont jouer tes prochains... Il y a une tournée? Comment ça se passe? Comment on peut venir voir? Mais donc on joue jusque samedi ici au Théâtre Le Public. Et ensuite, on part au Théâtre de Liège en mars-avril. 18 représentations, mais ce sont 18 représentations privées dans le cadre de formation des enseignants. Après, on a des demandes pour l'année prochaine, mais on est quand même... dans une réflexion parce que l'enfant grandit. Donc tout ça est très éphémère. Et on se demande comment est-ce qu'on va faire pour continuer. Surtout que la petite est difficilement remplaçable. Donc voilà, on est en train de réfléchir. Mais voilà, on espère qu'on aura encore l'occasion de... que ce spectacle vive, qu'il soit vu et qu'on puisse continuer à réfléchir sur l'école qui est vraiment qui doit changer, comme vous l'avez dit. C'est très urgent, c'est vraiment urgent et très très important. Et voilà.